Les Romains dansent la crypte. Quand ils saluent et louent la vie, les ensevelis se lèvent. Dans les catacombes, les spectres dansent la crypte. Ils quittent un instant le trépas pour auréoler l'au-delà. Dans les catacombes, les Romains ne sont plus le crâne. Charnel ou animal, dansent dans le noir. Porte sur l'autel la croix de l'Alliance Nouvelle. Mais dans les catacombes, à l'orée de la Silva, les Romains ne prient plus Maria, rendent sa place à Pallas. Dans les catacombes, les Romains ne sont plus le crâne. En l'une ou l'autre fois, elle danse dans le noir. Les Romains ne sont plus le crâne. En l'une ou l'autre fois, elle danse dans le noir. Elle danse dans l'espoir. Elle danse dans le danse, dans le danse, dans le danse, dans le. Les Romains dansent la crypte. Quand ils saluent et louent la vie, les ensevelis se lèvent. Dans les catacombes, les spectres dansent la crypte. Ils quittent un instant le trépas pour auréoler au-delà. Dans les catacombes, les Romains ne sont plus le crâne. Charnel ou animal, elles dansent dans le noir.